2-3, oral comprehension. You will hear the beginning of a series of short exchanges between two people. Choose the second person's answer from among the three possible responses. Indicate your choice by circling A, B, or C. Example, you hear 1. Bonjour, vous allez bien? You choose the best answer, B, je vais bien, merci, and circle B. 2. Au revoir, je vais au resto, je vais manger. Salut, comment ça va? Quatre. Bon appétit. Cinq. Je vais à la fac, je suis pressé. Salut. Six. Où allez-vous? Comment va Mireille? 8. Bonjour Mireille. 9. Tu vas bien? 10. Hé, vous deux, où allez-vous comme ça ?